Exercice 4, page 120. Trois fois. Trois mois. Trois soirs. Trois boîtes. Huit nuits. Huit Suisses. Huit cuisses. Huit fruits. Trois puits. Trois huiles. Trois huîtres. Trois huîtres. Huit doigts. Huit noix, huit poires, huit croix.